C'est Lionel sur Énergie, merci d'être là. Ladies and gentlemen. Les Energy Music Awards 2013. Énorme, la France entière passe le week-end sur Énergie pour vivre les coulisses des Énergie Music Awards. Il y a ceux qui sont à Cannes devant le yacht Énergie dans le port de Cannes, ambiance de ouf. Il y a ceux qui sont aussi aux quatre coins de la France. Je reçois vos messages sur ma page Facebook Lionel Énergie, je lis tout ça en live. Françoise qui me dit ma fille est fan d'Alicia Keys, elle voudrait tout en autographe. Bah ouais, on va dire ça. Françoise, comment elle s'appelle ta fille? Elle s'appelle Anaïs. Voilà, salut Françoise, on va dire l'autographe d'Alicia Keys. Elle vient tout à l'heure sur le yacht Énergie Alicia Keys. Il y a Sandrine à Lorient. Lionel, est-ce que tu peux m'envoyer une compile Énergie Music Awards? Ah, ça gratte, d'accord. C'est les auditeurs qui grattent les cadeaux. Je vous écoute chez moi à Lorient. Bisous à toute l'équipe. Sandrine, on va t'envoyer ça. Les messages sur ma page Facebook Lionel Énergie, sur le Twitter Énergie, hashtag Énergie Hit Music Only, sur la page Facebook d'Énergie, sur les SMS, sur les réseaux sociaux. Je vais aller aussi quand même filer des compilations à ceux qui sont devant le yacht. Mais attends, mais je suis pas un radin. Je te jure, on pourrait faire l'émission ici, hein, sur le ponton, parce qu'il y a un soleil de dingue. Alors, faut pas que je tombe à l'eau par contre. Ça va? Oh là là, c'est la folie. Est-ce qu'il y a des filles aujourd'hui à Cannes? Est-ce qu'il y a des mecs? Ouais, les mecs, ça crée toujours moins fort que les filles. Bon, la sécu est en place. Je vais offrir des compilations Energy Music Awards 2013. Voilà, vous les gagnez sur ma page Facebook Lionel Energy. Vous me laissez un petit message au fond là-bas. Il y en a qui sont là depuis 6h du matin. Hop, tout à l'heure, on offrira des places aussi. Qui c'est qui a pas eu sa place pour l'Energy Music Awards 2013? On va vous faire monter sur le yacht tout à l'heure, hein, pour vous offrir les toutes dernières places pour assister à la cérémonie ce soir sur Energy et TF1 à partir de 20h50. Ils sont chauds, ils sont très très chauds. Attention, 1, 2, 3, la compilation. Voilà, je vous rappelle, oh là là, boum, ah, c'est la folie, c'est l'émeute. On va la récupérer. On vous offre des cadeaux tout au long de l'après-midi. Merci de nous envoyer vos messages sur les différents réseaux sociaux. C'est l'après-midi Energy Music Awards 2013. Vous vivez toutes les coulisses. Dans un instant, il y aura ici, et je vous demande de faire du bruit pour eux, parce qu'ils sont en train de vous écouter, sur le yacht section d'assaut. Dans un instant, Alicia Keys. Il y aura Kinvé, Amel Bent. Mais pour l'heure, on va s'écouter Rihanna sur Energy. Restez avec nous, à tout de suite.